D'être là. Merci, c'est sympa. Donc on est là pour vous présenter le programme du prochain festival Parti de Campagne. Mine de rien, il s'agit du 8e. Quand on s'est installé à Aubou en Morvan pour faire un festival de cinéma, on n'était peut-être pas convaincu par le fait qu'on durait aussi longtemps. On n'en savait rien parce que c'était un peu un pari à la base. On allait dans ce village parce que ça nous a branché, parce qu'il y avait un vrai défi, il n'y avait pas de salle de cinéma. On s'est dit c'est rigolo, ça, un festival de cinéma dans un village où il n'y a aucune infrastructure pour nous accueillir, ça peut être marrant. Donc c'est de là que c'est parti. Et puis, force est de constater que ça se développe et puis que ça continue à suivre son petit bonhomme de chemin. Chaque année, on accueille quand même pas mal de spectateurs. On fait environ 10 000 entrées par année. Depuis 4-5 ans, grosso modo, ça s'est stabilisé. Donc voilà, on est autour de 10 000 entrées sur 4 jours. Ce qui, pour un festival de court-métrage, est ma foi tout à fait correct, je pense. Quelques nouveautés cette année. Enfin, vous avez tous votre petit carnet. Hein. Quelques nouveautés. Le festival se déroule sur 5 jours. À la base, le festival se déroulait sur 3 jours. L'an dernier, on a voulu être fou, on l'a fait sur 4 jours. Et puis cette année, on fait sur 5. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Vu qu'on a plus de temps, on propose beaucoup plus de choses, forcément. Notamment au niveau des compétitions. Vous savez qu'un festival de cinéma, forcément, c'est à la base des compétitions. Et depuis l'an dernier, on a une nouvelle section qui est la compétition documentaire. Ça nous paraissait intéressant parce que le documentaire, c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît, qui est quand même assez suivi. On le voit notamment pendant le mois du film documentaire pour lequel on fait des projections. Ça intéresse, les gens s'interpellent. Et pour nous, c'était un peu délicat de mêler du documentaire avec de la fiction, avec de l'animation, avec du cinéma expérimental, etc. Au niveau du contenu, c'était un peu difficile de juger un film de 2 minutes d'animation par rapport à un film de 25 minutes qui est documentaire, ça paraissait un petit peu compliqué. Donc on a décidé de faire une section documentaire. Et puis l'an dernier, ça a plutôt pas mal marché, mais c'était la première fois, donc c'était un peu bricolé comme programme quand même, faut le reconnaître. Et là on est en... je sais pas Christian, moi je pense qu'on peut être fier du programme qu'on propose. On a plus de films qui se sont inscrits, donc on a une sélection qui tient la route. Là, c'est ça. Par rapport à l'année dernière, clairement, c'est mieux. Quoi. Ouais. Tu devrais venir là, je me sentirais moins seul. Allez, Gilles, allez, sois sympa. Allez, Gilles, vas-y. Chaque année, le festival reçoit de plus en plus de films. C'est-à-dire que pour faire partie de la compétition, c'est une démarche volontaire de la part des réalisateurs, des producteurs ou des ayants droit des films qui nous envoient leurs réalisations, qui les inscrivent sur une plateforme en fait au sein du festival Parti de Campagne. Et puis nous, on les juge, on les sélectionne ou non. Pour vous donner une idée, quand on a commencé le festival, on était à peu près à 300 films reçus. Maintenant, on est à pas loin d'un millier. Pour la compétition documentaire où on propose une quarantaine de films en compétition, ça fait quand même un certain travail de sélection. Ça fait plus de 900 films à éliminer. Donc ça se fait en plusieurs étapes, etc. C'est quand même un sacré boulot. Pour ceux qui sont intéressés, on recherche toujours des gens pour nous aider à faire ce travail-là. Parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux encore. Vous avez envie de voir des films? Ouais. Alors, on va pas vous mentir, il y en a des bons, puis il y en a des pas bons. Hein. ça fait partie du jeu, quoi. Cette année, par exemple, on n'a pas été capable de choisir vraiment. Du coup, on a mis une compétition en plus. D'habitude, il y a 6 programmes. Enfin, au début, il y en avait 3, puis 6, puis maintenant, on en a mis un 7e, parce que là, ça devenait trop compliqué de choisir. Donc, vous avez 42 films en compétition. Pour lesquels vous allez pouvoir juger, voter, pour y lire votre prix du public. Le prix du public qui repartira avec un prix symbolique, mais néanmoins super important, qui est un jambon du Morvan. Et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de réalisateurs qui inscrivent leur film pour gagner le jambon de Brabant. Ça fait pas... à la base, c'est une blague, mais ça a vraiment pris, quoi. Le prix du jury, lui, c'est un peu plus sérieux. Du coup, il part avec 1000 euros. Et un jambon du Morvan aussi. Parce que faut quand même qu'il l'ait. C'est rigolo quand même de voir les réalisateurs. Bien souvent, ils viennent de Paris. Parce que bah, voilà, quand on fait du cinéma, général, on est sur Paris, quoi. Et puis les voir repartir avec leur jambon sous le bras, on les imagine dans le métro. Ça doit être magnifique, je pense. Voilà, donc cette compétition francophone avec des films, bah, comme d'habitude, des films qui se veulent une certaine représentation de l'ensemble de la production francophone de l'année. On n'est pas sur un festival thématique où on va vous présenter, je sais pas, je dis des bêtises, mais un festival de films de montagne ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment sur le panel le plus large qui soit. On essaie de représenter ce panel-là dans nos sélections. Ce qui paraît intéressant pour vous, spectateurs, c'est que quand vous allez voir une séance, vous allez voir 6 films, et puis dedans, vous allez avoir de la fiction, de l'animation, des films drôles, des films moins drôles, des films expérimentaux, etc. Vous allez vraiment avoir un panel en une séance, vous allez repartir avec une certaine connaissance de ce qui se fait. Voilà. On continue bien évidemment les compétitions jeunes publics. Le jeune public et l'éducation à l'image sont des sujets qui nous intéressent particulièrement, puisque c'est Nick Wannon. On n'a pas fait, comme d'habitude, le retour sur qu'est-ce qu'est c'est Nick Wannon, l'association, mais on intervient beaucoup au niveau de l'éducation à l'image, notamment avec les dispositifs École et Cinéma, Collège au Cinéma, avec la passeur d'image, exactement, avec la participation au temps périscolaire, etc. Et du coup, ça nous paraît toujours important et même primordial de proposer une compétition jeune public pour les enfants. Donc il y a 2 compétitions, une pour les 3-6 ans, une pour les 7-12 ans. Là aussi, avec des films adaptés et des films mignons, en général. Voilà, la compétition documentaire, je vous en ai plus ou moins parlé, mais là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était quand même... dans l'idée de présenter des documentaires qui ne soient pas dans le code. Enfin, on a tous l'habitude de voir des films de 26 minutes, de 52 minutes qui passent le dimanche sur France 3. C'est pas des reportages, c'est vraiment du documentaire, donc de l'essai. Donc là aussi, vous allez retrouver de l'animation, du film un peu plus expérimental, du film qui flirte entre documentaire et fiction aussi, parce que des fois, la frontière est bien mince entre les deux. Donc voilà, quelque chose, à mon avis, de bien intéressant. Voilà. Vous voulez pas participer, non ? Non. Du coup, chaque année, on propose une petite thématique sur le festival qui ne se décline bien évidemment pas sur la compétition, puisque comme je vous l'ai dit, on essaie de faire un panorama de ce qui se fait, donc ça n'a pas d'intérêt. Et cette année, on a choisi d'intervenir sur le film noir et le polar. Donc une thématique avec 3 séances qui vont retracer très modestement l'histoire de ce genre au sein du court-métrage. Donc les films vont en termes de... Enfin, les séances ne sont pas chronologiques, mais vous allez avoir des films de 2015 et puis des films de début 1900. Donc vraiment, toutes les époques mélangées, ça c'est intéressant à voir dans les séances. Et puis on s'est dit que c'était intéressant de faire les films noirs et les polars parce que c'est quand même une forme qui repose sur le suspense, sur une certaine attente d'un dénouement, etc. Et on voulait voir comment ça pouvait s'appliquer aux films courts, qui, ben, vous le comprenez bien, par une question de format, il faut aller à l'essentiel. Donc comment mettre en scène ce temps de recherche, d'attente et de dénouement dans un format court. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, avec des films à la fois très courts, d'autres un peu plus longs, ça va jusqu'à 25 minutes. Mais voilà, que des films de qualité. Certains de ces films-là, vous aurez pu les voir par ailleurs dans des précédentes éditions du festival, mais il y a quand même pas mal de choses nouvelles, quoi, qu'on n'a jamais programmées ailleurs. Voilà, le festival, c'est aussi des rencontres. des rencontres et puis l'occasion de proposer de découvrir le travail de structures qui, avec qui on partage certaines valeurs, dont la plus emblématique est la défense du court-métrage. Et parmi ces cartes blanches, donc, vous avez une carte blanche à Travelling Distribution, qui est une petite, enfin de moins en moins petite, mais en tout cas une structure de production québécoise qui est basée à Trois-Rivières. Et pourquoi on fait appel à eux ? Parce que, déjà parce qu'on trouve que leurs films valent vraiment le coup, ça apporte quand même un vent nouveau un peu dans cette cinématographie-là. Et puis aussi parce que depuis 2011, on avait fait pour ceux qui font les éditions chaque année, enfin les festivals chaque année, on avait fait une édition où on avait invité pas mal de structures québécoises à venir nous présenter leur production pendant le festival. Et puis Travelling Distribution était venu. Et puis depuis, on a vraiment gardé contact. Ils nous ont invités l'an dernier. On a fait une carte blanche partie de campagne à leur premier festival à Trois-Rivières. Et puis voilà, ça continue de fil en aiguille. Et du coup, ça nous paraissait important de témoigner un peu de ces rencontres-là, de ces échanges qui peuvent avoir lieu d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Donc ils viennent nous présenter une petite sélection de films de l'année, quoi. Voilà, concrètement. Et Marie-Pierre Lacroix-Couture donc représentera la structure. Il y aura quelques réalisateurs des films de la séance, et Marie-Pierre Lacroix-Couture sera membre du jury également. On propose également une carte blanche au Short Film Festival de Bruxelles, qui est un des grands festivals européens de courts-métrages, et avec qui on a des liens depuis la première époque de Nevers à l'Aube. Donc ça commence à remonter loin. Et puis chaque année, en fait, on essaye de travailler ensemble parce qu'ils ont une programmation qui est très intéressante, parce que eux ont une compétition internationale, ce qu'on n'a pas encore, mais ça va peut-être venir. Et du coup, ça nous permet aussi de découvrir les films qu'eux ont reçus, etc. Donc là encore, Pascal Ologne, le directeur du Bruxelles Short Film Festival, viendra présenter la séance, accompagné encore une fois de quelques réalisateurs. On propose également une carte blanche au Grec, qui est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. C'est un producteur de premiers courts-métrages, de documentaires, de fiction, etc. Mais qui est très important en France, qui a été créé par Jean Rouche. Pour certains, ça doit évoquer quelque chose, Jean Rouche, j'imagine. Et voilà, et depuis toujours, le Grec, c'est quand même de la production de films plutôt d'essai, on va dire, enfin, une espèce de renouvellement du genre à chaque fois. Et donc là, pour nous, c'est super intéressant d'avoir un partenariat avec eux, que ce soit en termes de valorisation auprès des professionnels, comme en termes de proposition auprès du public. Donc on sera très content d'accueillir des représentants du Grec et puis de... Le Grec qui produit des films courts, qui notamment il y a un film qu'on va diffuser cette année dans le programme Région dont on n'a pas encore parlé, et qui s'appelle Sécheur, qui est un film du Grec. Et je crois qu'ils sont en ce moment en train de chercher des figurants pour tourner un film vers Clamcy. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, voilà, le Grec, donc ils sont très impliqués dans la production de courts-métrages aussi, le Grec. Voilà, dans le court-métrage et dans plein d'autres formes. Expérimental, etc. Et puis chaque année le festival, en fait, c'est un éternel recommencement, mais c'est quand même quelque chose de linéaire. Et du coup, chaque année, on réinvite un lauréat de l'année précédente à venir nous présenter un peu plus son univers. Donc cette année, il y a Damien Collet qui avait été mention spéciale du jury pour son film dont je viens de manger le titre. Demi-saison. La demi-saison, merci. Vous pourrez aller voir juste après en séance. Un hommage à Jacques Demy, exactement. Et donc, il vient nous présenter une carte blanche des films qui, lui l'ont nourri en tant que créateur, en tant que cinéaste. Et donc, ce sera l'occasion de revenir avec lui sur comment... quel est son processus de création, etc. Et puis, quels sont les films qui l'ont nourri, tout simplement. Donc, voilà. Une manière de le découvrir un peu plus. Depuis 2 ans aussi, on s'attache à, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas de compétition de films internationaux, mais depuis 2-3 ans, on s'attache quand même à vous proposer un panorama de films internationaux qu'on a pu découvrir en festival. On ne fait pas de compétition pour l'instant de films internationaux parce que ça signifie d'inviter les réalisateurs à représenter leurs films au festival. Et puis en termes de budget, là par contre, on n'est carrément pas au point, hein, même si on est bien aidé, bien soutenu, voilà, il n'y a pas de problème, mais quand même, on ne peut pas aller jusqu'à inviter des Australiens tous les ans. Par contre, du coup, on vous propose deux panoramas de films qu'on a rencontrés en festival et qui nous ont particulièrement touchés. Donc là aussi, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, quoi, en termes de films courts. Je te laisse parler de la région. Allez, vas-y. C'est la page. C'est juste après international. Voilà, qui est là. Ouais. Tous les ans, donc, on essaye de diffuser des films produits ou aidés en région, hein, en région Bourgogne. Donc là, cette année, je vous ai parlé tout à l'heure d'un film qui s'appelle Sécheur. Donc c'est un film du Grec, hein, qui a été tourné aux alentours de Corbigny, si je me souviens bien. Ouais. Enfin, vers Corbigny, Avallon, etc., qui était en compétition cette année au Festival de Clermont. Voilà, un autre film, Un jour le diable, qui est un film qui a été tourné, si je me souviens bien, en Saône-et-Loire. Chalon-sur-Saône, je crois. Service compris, qui est aussi un film région. Et Bubble Blues, qui est un film qui a été tourné à Mâcon, donc voilà, des films... régionaux pour témoigner fait qu'il y a aussi une production d'œuvres cinématographiques. Et qu'en région Bourgogne, il y a encore une aide pour le tournage, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les régions. Il y a certaines régions qui ont arrêté. Notamment la Franche-Comté. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer avec la fusion, mais voilà. Quoi. Ça va être un peu aidé. Est-ce que la Bourgogne, enfin la grande région, va continuer à aider le tournage du court-métrage? On ne sait pas. Et puis il y a des longs métrages aussi qui se font hein, en Bourgogne. Bien sûr. Voilà. Il y en a eu 3 quand même cette année de renommée, quoi. Entre le Gondry, entre le film de Michel. D'ailleurs, le film de Michel Gondry qui s'était tourné à Lorme, il sort, je crois, début juillet, la semaine du festival. On proposera également le vendredi 10. 10 juillet, les grandes interrogations d'Émile. Donc vous savez à peu près de quoi il s'agit. C'est le film réalisé par Jean Bochco qui a suivi dans son dernier, je sais pas comment on peut appeler ça, mais dans sa dernière intervention, Émile, un jeune garçon à la rencontre de grands esprits, on va dire, de grands intellectuels de France. Et du coup, voilà, le film retrace un peu toute cette épopée, et Jean viendra accompagner d'Émile présenter le film, donc le vendredi 10 à Ouran-Morvan. Le festival a lieu à Ouran-Morvan depuis 8 ans, et ça nous a permis également de développer une offre de cinéma tout au long de l'année par le biais du cinéma itinérant, la Nivernaise de cinéma, qui passe maintenant à Ouroux 2 fois par mois. Et si je dis ça, c'est parce que grâce au fait que la salle des fêtes de Ouroux-en-Morvan est désormais considérée comme une salle de cinéma à part entière, ça nous permet d'avoir également des avant-premières qui seront au nombre de 2 cette année. Qui seront Volta et Terra, un documentaire portugais aidé par l'ACID. Voilà, pour nous c'est toujours intéressant quand même et important même d'avoir des avant-premières de longs métrages parce que il y a un côté valorisant et un côté où valorisant c'est pas le mot puisque c'est un double péjoratif, mais un côté où voilà. À Ouran-Morvan, on a le droit aussi d'avoir accès à ces œuvres-là en primauté. Il ne faut pas être résident à Paris pour avoir le droit d'aller voir les films. Il ne faut pas aller au multiplex de Nevers et faire 100 bornes pour venir au multiplex de Nevers pour pouvoir voir les films. À Ouran-Morvan, il y a des films aussi. À Corbigny, il y a des films aussi. À Lorme, il y a des films aussi. À Château-Chinon, etc. Et dans plein de communes de la Nièvre. Et les gens y sont attachés. les spectateurs y sont attachés. Et voilà, c'est une façon de les remercier, de leur proposer aussi des films en avant-première. Donc là, on aura le samedi 11, pardon, Volta à Terra, et le dimanche 12, Brooklyn de Pascal Tessot, qui est un film sur une jeune fille qui s'enfuit de Suisse et débarque en banlieue parisienne et essaie de faire son trou par la musique. Par le rap, c'est un film de rap. Ouais, bah, j'allais dire la musique. Ouais, le rap. C'est aussi du rap. C'est, non, c'est pas. C'est du slam, excuse-moi. Non, c'est du rap. Ah, j'ai vu le film, attends. Bah, moi aussi j'ai vu le film. C'est du rap. C'est pas du slam. Bon, bref, vous ferez votre choix. Il y aura également un film jeune public. Donc le vendredi est traditionnellement la journée jeune public à Rouen-Morvan. Et en plus des compétitions jeunes publics, on leur proposera de découvrir un film qui s'appelle Le jardinier qui voulait être roi. La particularité, c'est qu'avec le film, on fait venir les décors. Et on veut montrer aux enfants qu'est-ce qu'est un décor de cinéma. C'est un film d'animation, hein, bien entendu. Et voilà, donc on s'imagine souvent que le décor... Ben alors des fois, quand on est enfant, on s'imagine même pas. Parce qu'on cherche pas forcément à mettre quelque chose derrière ce qu'on voit. Mais là, du coup, on va voir le décor et on s'imagine souvent qu'il est tout petit, que voilà. Là, mais non, c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Donc ça va être rigolo, la rencontre entre les enfants qui vont venir de découvrir le film et le décor dans lequel ça s'est tourné. Et tout ça fera partie d'un projet un peu plus global, un projet de Cluedo. Film noir, hein, polar... Cluedo. Donc les enfants, à partir des compétitions, à partir du film, à partir de différents éléments dans le village, vont mener une enquête et vont devoir trouver un chapeau. Bah pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc tout un jeu mis en scène comme ça autour du festival. Les ovnis, c'était les ovnis ont été des grands absents du festival pendant quelques années, ces dernières années, et on reprend les ovnis. Les ovnis, pour ceux qui ne savent pas, c'est les objets visuels non identifiables. Donc vraiment des films très courts, des films bizarres, percutants, originaux, un peu tout ce qui est inclassable, quoi. Et du coup, ça nous donne des séances quand même assez rigolotes. Et quand on met ça dans un bois en plein air, bah, ça rajoute encore au décorum de la chose. Donc le vendredi 10 et le samedi 11, vous pourrez venir découvrir les ovnis dans le bois, en plein air. Ce sera super chouette. Le festival, c'est aussi plein d'animations. Hein, très rapidement, vous pouvez avoir accès à la vidéothèque à la demande pour voir ou revoir un film dans un salon un peu cosy, voilà, en buvant un thé, en discutant avec des gens. Vous pourrez revoir un film, le film de votre choix. On accueillera la compagnie Bruit du Sfumato qui présentera son spectacle Clap, qui est un ciné-concert en caravane, enfin plusieurs ciné-concerts en caravane, donc petite jauge, mais grand plaisir. Donc les décors d'animation, je vous en ai parlé. Comme chaque année, vous pourrez découvrir les films de collection de Pascal Rigaud, qui chaque année vient nous proposer un panel, que ce soit en termes de films ou aussi d'objets de cinéma, hein, de projecteurs, de caméras, etc. On vous reproposera les Six Noms de Danette, qui sont des séances un peu bizarres, c'est des séances participatives, c'est vous qui choisissez le film que vous allez voir au fur et à mesure. Des films pris sur Internet. Le meilleur des films qu'on peut voir sur Internet. Choisi par Nicolas Montfort. Le pire, ça. Ça peut être aussi le pire. Ouais. C'est le meilleur ou le pire, c'est, voilà. C'est selon. Le Muséobus, donc, du Conseil Général, viendra présenter son exposition. À la vache. Voilà. À la vache. Voilà. Oh la vache. Ah, c'est pas à la vache. Ah, qui a fait le programme? Mais c'est marqué où? C'est marqué où la vache? Tu fais les lunettes. Ah la vache. Ah, non. Si. Ah, en bas c'est marqué O et ah, bah, en ça haut va, c'est marqué A. Ah, alors ça va. Vous pourrez quasiment tous les soirs même, vous pourrez tester votre culture générale cinématographique autour des blind tests cinéma. Une fois vous aurez l'image mais pas le son, une fois vous aurez le son mais pas l'image, une fois vous aurez juste la musique. Enfin voilà, va falloir être vif et puis répondre. Hein. On fera ça par équipe et puis il y aura des petits lots à gagner. Ouais, c'est de champagne, je pense. Ah, mais oui, l'abus d'alcool, lui, gravement. Il n'y a même pas le jambon du bonbon. Non. Une tranche de jambon. Une tranche, c'est pas ouais. Donc, on aura un petit spectacle de cirque aussi, enfin petit, c'est pas si petit que ça, qui viendra le mardi sur le terrain de foot, Impact, par la compagnie Le Pas. Puis après, on arrive tranquillement au ciné-concert, donc deux ciné-concerts qui sont là aussi une forme qui nous tiennent beaucoup à cœur, parce qu'à la croisée des genres entre spectacle vivant et cinéma, puisque apparemment le cinéma n'est pas un spectacle vivant. Donc on vous proposera deux parties, le film de Blake Edwards, mis en musique par Nomad, donc plutôt une musique, comment dire, à base de bruitage et de mélodies acoustiques, violon, etc. Voilà, c'est très très chouette. Le film déjà vaut le coup d'œil par lui-même, et puis mis en musique en direct, c'est encore autre chose. Tous les ciné-concerts ont lieu dans le bois, bien sûr, ça rajoute quand même à la majesté de la chose. Dans une petite clairière comme ça, avec lumière tamisée. Et le lendemain, donc le lundi 13, on vous proposera Sa Majesté des Mouches, mis en musique par Laetitia Sheriff cette fois. Laetitia Sheriff qui est passée ici il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, je dirais, et qui sera en concert la veille au festival à Ouroux également. Au niveau des concerts, donc Water Music, la particularité, c'est que c'est un groupe qui ne joue que dans des villes d'eau. Alors là, on leur a dit qu'il y avait un étang à Ouroux, donc c'est passé. Il pleut souvent, voilà, c'est ça. Non, mais Water Music, ils ont fait un film, en fait, sur leur tournée. Voilà, donc on présentera le film d'abord dans le bois, et puis les musiciens interviendront ensuite dans le parquet. Donc, quand même, c'est un film entre fiction et documentaire, en fait. Et puis tous les jours, vous allez retrouver trois types de concerts. Comme vous aurez été jusqu'au bout de la soirée de la veille, on va vous proposer pour commencer des concerts siestes. Donc là encore, dans le bois, on vous met plein de hamacs et puis on vous fait des petits massages sonores comme ça. Donc le samedi, il y a Retour Machine qui vous proposera un concert sieste. Le dimanche, ce sera DJ Prosper. Et le lundi, donc, ce sera Frisson qui va jouer tout à l'heure. Voilà, il est là-bas. Et le mardi, DJ Oil, un des fondateurs de Troublemakers. Et puis toutes les fins d'après-midi, donc entre 18h et 19h, vous aurez droit à un apéro-concert qui se passera soit au parquet Le Cristal, soit dans l'un des bars, l'un des bistrots du village. Donc on vous proposera Johnny Mafia le samedi, Rap Blues le dimanche, Bettini, etc., Monsieur Bettini, etc., le lundi, donc le lundi 13, il est là aussi. Et le mardi 14, on finira par Babouchka, mélange de trad Morvan oriental, à base de viel et de darbouka. Et puis les soirées, on vous a dit, hein, Water Music, Smokey Joe and the Kid avec Black Warhol, l'un des chanteurs de Puppet Mastaz, pour ceux qui connaissent, Laetitia Sheriff le dimanche et La Napoli le lundi, suivi tous les soirs par un set DJ. Voilà, très rapidement au niveau du programme. Le festival au niveau professionnel s'est quand même fait un nom par l'originalité du truc. Au début, on devait courir un peu après les réalisateurs pour qu'ils veuillent bien venir à partie de campagne ou gros, on m'en vend, c'est où ça, c'est pas un... Ouais, si tu veux, enfin bon, voilà. Et puis maintenant, on est un peu obligé de refuser du monde par manque de structure d'accueil, parce qu'ils se sont donné le mot, et puis des festivals de cinéma comme ça en France, il y en a très peu au final. Et une fois que les gens y sont venus, en général, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y revenir. Donc on espère que ça fera la même chose avec vous. Voilà, il y a plein de lieux de projection qui, encore une fois, sont des lieux de vie avant tout, hein, à part la salle des fêtes, qui est que nous on appelle le mini-plex, Les autres, la salle des Frères Lumière. Alors pourquoi la salle des Frères Lumière, me direz-vous? Bah parce que c'est vraiment les Frères Lumière qui tiennent cette salle-là. C'est Hugues et Yann Lumière qui ont une stabulation et nous on fait une salle dedans. Il y a la grange de chez Marc Moine. Voilà, là, on utilise la maison des jeunes, on utilise le café des sports, etc. Enfin bon, on essaye à chaque fois d'investir des lieux de vie parce que c'est quand même intéressant aussi de transformer un lieu pour en faire un espace de représentation. Voilà. Et puis si vous avez des questions, des choses, voilà, n'hésitez pas. Si y a un truc que vous n'avez pas compris. Et si vous voulez parler, pareil, et si vous voulez boire un coup, pas de problème. Et puis si vous voulez manger de la terrine, il y en a encore. Et puis, je vous propose de passer en séance dans 5 minutes. Il est 25, je vous propose que la séance commence à 1h30. Pendant la séance, vous retrouverez des films primés l'an dernier. Et puis des films qu'on vous fera découvrir, enfin que vous avez en avant-première du festival aujourd'hui, qui seront à découvrir ou en Morvan. Merci en tout cas de votre attention. J'espère que ça sera trop compliqué et trop long à suivre. Et moi, je suis Yann Dupont et lui, c'est Christian Magnin aussi. Parce qu'on ne l'a pas dit au début. Donc, C'est même temps de présenter. Voilà. Lui, il est président et moi, je suis directeur. Lui, il est bénévole. Moi, je n'ai pas de paye et lui, il est en nul. C'est ça la différence.